Activité 7. Je suis née le 28 août 1978. Et toi, Audrey? Moi? Le 1er mars 1982. Tu es plus jeune que moi. Et toi, Alexandra? Je suis née la même année, le 30 mai 1982.